Aujourd'hui le son qu'on prône est celui qui fait qu'on frêne. J'aime qu'on prenne pour un con, c'est ainsi qu'ils comprennent. Leur lumière fallace ont pris le rap, je vais éclairer leur lanterne. Une véritable éclaircie illuminant les antennes. Et les ondes seront nettoyées, appelle-moi purificateur. J'évite l'usure prématurée d'un rap qui roule sur les casquettes de roue. Si tu me traites de clébard, appelle-moi idée fixateur. J'impose mon point de vue et surtout je le fous dans la gueule pour que tu t'écroules. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Le rap part en choupa choups, alors j'y mets mon grain de poivre. Qu'il éternue la merde qui grouille à l'intérieur. Ils hallucinent, je me marre, je les fais tomber dans les poires. Leur niveau force au mien est bien moins qu'inférieur. Ils auraient besoin de feuilles mortes pour y écrire leurs âneries. Ils attendent l'automne pour se plaindre parce qu'il fait un froid de connard. Je les explose en ballerine comme Bruce Lee et les Malry. Quand les femelles chialent, je ricane, ces MC me voient comme leur mari. Et je dis que mes épouses rappeuses sont des pisseuses. Je ferme leur putain de gueule, leur cloue le bec à la visseuse. Le cadre dans lequel j'évolue est un carré vicieux. À chaque angle droit, mon envie de niquer ces messieurs, ça accroît. Je pas les je vais te liquéfier. Je marche sur des presses dans ce rap et ça nique les pieds. Est-ce que je désire mener le combat à 8 samedis? Enfoiré, ils vainqueront la semaine des 8 samedis. Pas tel que des rimes, boy. C'est de la merde. J'freestyle, je délire, boy. C'est pas drôle. Barré que tu déchires, bah. J'y crois pas. J'kiffe pas ton délire, ça fout la chie. C'est du 8ème degré, man. Ça brûle. De force ou degré, j'rappe. Rien à foutre. À défaut de chanter, allez. Je fais le déjanté. Je laisse un coup amer aux critiques, un peu comme l'acide citrique. Le rap est devenu un cirque aussi triste qu'un asile. Et je ris devant leurs tirs parce que leur discours c'est trick. Leurs rimes et leurs gimmicks sont bien pires que nazis. Tombe dans le ridicule comme un putain de nazi qui ne se dit pas raciste, donc je t'anasie. Les esprits peu habiles qui abîment les phrases de la Bible, qui est le rap et qui fonce vers l'abîme. Donc si ça ne te convient pas, viens par la bim. Comme Carla Bruni, tu peux sucer ma... Cette rime est facile, mais elle te fascine. C'est la magie Mugen, tout dégoût est effacé. J'suis le patron, suis-je nerveux? Pas trop mes couilles. J'veux pas me foutre de tout, car j'n'aime pas battre mes couilles. J'n'aime pas trop les coups de pute, ni les langues d'ailleurs. Mais ce n'est pas juste anatomique, non, le sens est ailleurs. J'suis grave le meilleur, j'bats même John Mayer en basket et Tony Parker en guitare. Le signe de l'infini imprimé sur ma casquette. Tranche ta mitraillette, j'lève mon majeur en guise d'arme. J'suis un ours bien léché, allergique à l'échec. Vous êtes tous coincés, faites quelque chose, allez chier. Ou consultez Dr Mug. J'accepte l'échec. Il paraît que même les flics fument du shit en cachette. Font couvrir vos esprits fermés comme vos chiottes. Je découpe vos clichés de clochard à la machette. Je vous tranche à la hache comme le cake d'Akarash. Me fous grave de ta ganache, t'es une tache pistache. Rap au 8ème degré, tu m'étonnes qu'il te brûle. Tu ne fais pas le poteau rose car tu l'as dans le cul. Désormais je débarquerai là où on ne m'attend plus. Comme cette vibe pour Avalototi. Pas tel que des rimes, boy. Je freestyle, je délire, boy. C'est pas drôle. Barré que tu déchires, bah. J'y crois pas. J'kiffe pas ton délire, ça fout la chie. C'est du 8ème degré, ma. Ah, ça brûle. De force ou degré, j'rappe. Rien à foutre. À défaut de chanter, allez. Je fais le déjanté. Je joue avec les mots comme un gosse avec ses Legos. C'est son bégo, védégo, qui dit comme les péclos. Je suis supérieur, me dis pas qu'on est tous égaux. Je donne des ordres à Sarko et je couche avec ses go. Mais j'suis qu'au début du rouleau, c'est que le quart du boulot. Et j'fais que ça, fuck le métro et le putain de dodo. J'me casse pas les têtes pour les thèmes, le freestyle abandon. Au mic, j'casse les têtes et thèmes, les MC l'abandonnent. J'suis méchant et vicieux, je crâne au micro, j'me vante. Ambitieux, j'ai les yeux et le crâne plus gros que le ventre. J'suis expert en assonance et en texte con. J'kiffe les allitérations, même hors du contexte. Con moment, on interdise l'accès. Ou pas, j'cartonne dans la cour des grands. Qui me boycotte, fuck, peu importe, j'ai déjà un plan. Celui de la musique, tatoué sur le torse. C'est pas pour m'en échapper, mais pour y entrer en force. Petit, j'ai envie de dire que le rap me casse les burnes. Et que la réflexion compte pour les brunes. Au pays des blondasses et que les dés sont pipés. Comme la queue d'un papy, friqué, plein de sas. Tu sais que le mien n'est pas de trèfle. Ou si c'est le cas, c'en est un à deux feuilles, voire une et encore. Ma chance roule en Clio, ma poisson est celle-là. Mais j'finirai par prendre le rap par derrière en bras le corps. J'emboute ta tête avec mes mots, c'est ma façon d'être hardcore. J'mets tout le monde d'accord avec un simple accord. J'suis le meilleur rappeur ici-bas, j'l'ai dit. Pourtant j'suis comme mon portable, j'n'ai pas de crédit. J'déborde de force, je grogne et ça cogne. Sorte boom boom boy, mon rap un sextoy. J'te nique boy, c'est du hip-hop de b-boy. L'alcool pour les ivrognes, on m'appelle Technique Boy.